possède ma propre compagnie et ma compagnie vend un produit qui est meilleur que celui de mes compétiteurs. À un prix qui est plus bas que celui de mes compétiteurs. Parlons peu mais parlons bien, teste pas l'équipe, c'est perdu d'avance. T'as la dalle et t'es curieux, tu peux toujours tenter ta chance. Mine les concurrents, évite-moi quand je passe des fonds. Je suis patient, je veux un plan en attendant que ça fasse des fonds. À 24 piges, faut bouger même si je suis pas prêt. La frappe est mal cadrée, on fout la merde, on réfléchit cabré. Marc partez, les MC finit sa soifée. Je t'ai fait tourner le blaze en espérant que ça soit fait. Encore quelques ouins, je promis j'arrête juste après 100. Jusqu'à présent et ça me sourit jusqu'à présent. C'est déjà bien de positiver, je garde la flamme sans attiser. Des hypocrites, des jaloux, j'écoutais pas ce que ces gens là disaient. J'ai pas changé, je reste moi-même tout simplement. On avance tous en doux simplement. Je taffe qu'avec des vrais gars, regarde ce qui ressort. N'y regarde, dis-leur on taffe dur, y'a pas de tir au sort. J'ai bien dû planquer, c'est se barquer le parc comme Carvel. Une bête d'image, attends qu'elle revienne. J'ai quelque part ma cervelle, un truc pour ceux qui me déclarent la guerre vienne. Elle est perveille, ah ouais mec, c'est aller vous faire mettre. Bête de phase, hein, sous les devoirs des frères ensemble. Et j'ai du mal à concevoir qui est différent ensemble. Certains feraient n'importe quoi pour avoir la cette pleine. Accepter, si tu vois que mon but c'est faire de la rime à 7 pieds. Plein l'équipe par mes dreams, ça maîtrise l'art d'écrire. Là sur mon part des kiffs. Et puis à quoi bon parler qui peut nier, c'est limite triste. J'suis pas dans la matrice, 19-4 à mitri. Un peu d'argent et nomme tes amis trip. Demande à BRA, la BRA, plein un peu rare. Terra, terra, après rappelle-toi, jamais on se taira. C'est du KF, de l'aide pour gérer très égo. Ou l'impression de voir un défenseur pour du stress égo. Mes frères ont la réserve, pas pour se vendre ou se laisser faire. Ni à prendre à la légère, balance nos voix sur on défaite. Laisse nos traces, au final tu vois qu'on a peu qui te regrettent. Peu qui t'aideront, on se contentera de nos petites retraites. Mes frères ont la réserve, pas pour se vendre ou se laisser faire. Ni à prendre à la légère, balance nos voix sur on défaite. Laisse nos traces, au final tu vois qu'on a peu qui te regrettent. Peu qui t'aideront, on se contentera de nos petites retraites. Bah ouais, j'ai grandi, la street m'a fait lâcher les cours. J'ai pas trouvé ma place, entre le Moyen-Âge et les courbes. La bonne combine, ma foi ça devient daron essaie tout. Un cartrice, une cagoule, loin de la daron essaie. C'est tout, tu penses à l'avenir des miens depuis j'bats de l'aile. Sois fan de nous, on nique ta mère, on t'oblige pas de l'aide. Ton idole a 10 ans, j'avais déjà cassé sa cassette. J'aimais le rap, mais lorsqu'un rappeur chacassé sa cassette. Écrit, tu restes un art, avis à tous les fils de pute. Ceux qui parlent mal, ceux qui pourraient les fils de pute. J'en oublie que j'ai les rimes dévastatrices. Joska F, j'ai que tes mouchoirs, ça t'y dépasse. Avertissement qui compte rivaliser va perdre. L'État va pas légaliser ma zèbre. Préfère localiser l'appel pour qu'on finalise la paix. Ils nous montrent les uns contre les autres. Et nous on devient des animaux qu'on voit que dans les zones. N'importe qui joue les shows. Mon rap il est juste inconnu comme moi. En tenue de combat, il a le tenu, s'écrase les langues de pute comme toi. Tangoma le gros fumeur d'Aya. Pas super saiyan, ni le rimeur banal. Autant que son coup de parole sur Panam. Mon rap en juge, moi je m'en fais le cogner sévère. La rue on connaît ses règles, entre nous c'est collé, serré. J'écris ce titre au fond de ma cage, ouais. Limbing nous on te l'arrache. Veux du liquide, petite bitch, j'ai trop merdé. Faut que j'tourne la page, même si trop souvent à l'arracher. On me répète que ça rase, c'est juste du rap. Mais j'estime plus que des chats rasés. CRPK, clic, clic, boum. Mon maxi à PRA, on élimine la concurrence. T'inquiète mes frères, on t'a réserve. Pas pour se vendre ou se laisser faire. Ni à prendre à la légère, balance nos voix sur on défait. On laisse nos traces, au final tu vois qu'on a peu qui te regrettent. Peu qui t'aideront, on se contentera de nos petites retraites. T'inquiète mes frères, on t'a réserve. Pas pour se vendre ou se laisser faire. Ni à prendre à la légère, balance nos voix sur on défait. On laisse nos traces, au final tu vois qu'on a peu qui te regrettent. Peu qui t'aideront, on se contentera de nos petites retraites. Le plus important dans le commerce, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le dur labeur, la famille. Ne jamais oublier d'où nous sommes venus.